Ça cap danser là, soit t'as besoin encore. Aïe, passez ça dans le point. Il ouaille. Il coup. Il gras. C'est par exemple, dit Amando, qui côté au travail, soit t'as dit. Le lambi, le lambi. Le lambi, le lambi. Le lambi. Entre parenthèses, y'a dit mon gon l'autre côté au travail encore. C'est qui côté ça? Ah bon, changer. Dans go, c'est par exemple, dit Amando, qui service ou fait, soit t'as dit. Service de nuit. De nuit. Et si par hasard, t'as demandé qui j'en fais une petite comme ça, soit t'as répondu. Eh bien, c'est une question de toute la nuit. Recherche. Oh maman, gâteau de nuit. C'est recherche. Bas à dormir. Recherche. Une tourne en crayon. C'est recherche. La taille aime toute la nuit. Recherche. Pour maman. C'est recherche. Gâton de nuit. Recherche. Bas à dormir. C'est recherche. Une tourne en crayon. Recherche. La taille aime toute la nuit. C'est recherche. Aïe aïe aïe. Recherche. Pour que je joue dans mes ondes. C'est recherche. Pour qu'il soit trop passé. Recherche. Pour papa vieux jouer tout. C'est recherche. Vieux jouer toujours que les joues. Ou pas gagner pied à. Ou pas planter ou passer que ou pas oser. C'est pour pas pas vieux jouer tout. C'est ou pas tant de voisins n'a pas dégagé l'autre bois. Ou maman, gâton de nuit. Recherche. Passe à dormir. Une tourne au crayon. La taille aime toute la nuit. Aïe aïe aïe. Soué. Toute la nuit. Je mets ton fait papier, ton noir devant. Bébé, tu me viens écrit. C'est vif tombé, me taille. C'est regardé, moi, crayon fini. C'est petit bout de la prête, non même. C'est vrai, oui, toute la nuit. Je mets ton fait papier, ton noir devant. Bébé, tu me viens écrit. C'est vif tombé, me taille. C'est regardé, moi, crayon fini. Regrette. C'est regrette, ma fini. Regrette. C'est allez, non. Ouais, vagabond. C'est bête pour nous respecter, oui. Bon vagabond. Employé dans le service hydraulique. Il paraît là, quand même. Il dit bonjour, madame Goubé. Madame, dit bonjour, monsieur. Il dit Goubé, pas là. Madame, dit non, Goubé, t'es fait là. Mais ils font virer. Sans comprendre le vagabond, vous permettez. Oh, mes amis, oh. Je viens pour Goubé. Madame, dit non. Vous ne pouvez pas Goubé, non. Parce que je suis en règle.